Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 3. Question 167. De la curiosité. Le vice de la curiosité a-t-il pour objet la connaissance intellective et la connaissance sensitive? 1. Le vice de la curiosité peut-il avoir pour objet la connaissance des vérités de l'ordre intellectuel? Le désir de connaître la vérité peut être bon ou mauvais. Il est mauvais non seulement dans les hommes qui ne veulent apprendre que pour satisfaire leur orgueil et faire le mal, qui négligent une étude nécessaire pour se livrer à une autre moins importante, qui demandent la vérité aux créatures dans un autre but que pour glorifier Dieu, mais encore dans ceux qui s'occupent de vérité trop au-dessus de leur esprit. Ne cherchez pas à pénétrer les choses trop élevées, nous dit l'Esprit Saint, ni à scruter des vérités qui dépassent vos facultés, cette recherche en a trompé beaucoup, à qui la vanité a fait perdre le sens. Ecclésiastique 3:22. Le vice de la curiosité, on le voit, peut porter sur la connaissance intellective. Note. L'étude de la philosophie est louable en elle-même, mais il faut prendre garde de se laisser tromper par une doctrine, vaine et fallacieuse, prise des traditions des hommes et non du Christ. Certains philosophes, écrivait saint Denis à saint Polycarpe, tournant contre Dieu même les sciences divines, emploient la sagesse reçue d'en haut à abolir le culte divin. Colossiens 2:8. Fin de la note. 2. Le vice de la curiosité a-t-il pour objet la connaissance des choses sensibles? Lorsque la connaissance des choses sensibles a pour fin de nous aider à subvenir aux nécessités de la vie ou de conduire notre intelligence à la contemplation de la vérité, elle est louable et méritoire. Manque-t-elle d'un but utile? A-t-elle surtout un but coupable, comme dans celui qui cherche à découvrir la conduite du prochain pour en médire, elle est vicieuse. Note. S'enquérir des actions du prochain par mépris, par médisance ou par vaine curiosité, c'est un mal. Mais chercher à les connaître dans une bonne intention, pour notre utilité propre ou pour la sienne, soit que nous voulions nous en édifier, soit que nous espérions le corriger avec prudence et charité, c'est une chose digne d'éloge. Saint Paul a dit, « Considérez-vous les uns les autres pour vous exciter mutuellement à la charité et aux bonnes œuvres. » Hébreux 10:24. Markendanarchive.org 2020, d'après Books Google FR. Licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.